إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui, alhamdoulilah, le cours numéro 15 dans la lecture du livre Mu'amalatul Hukam fi daw al-kitab wa sunnah, c'est-à-dire le comportement à adopter envers les dirigeants selon le Coran et la sunnah. Et c'est écrit par le Cheikh Abdussalam ibn Burgess. Et on est arrivé donc, comme je disais, au cours numéro 15. Il reste pas beaucoup avant la fin du livre, à peu près 40 pages seulement. Même moins que ça. Donc c'est seulement cette partie qui reste. Donc vous pouvez voir qu'on est à la fin, Inch'Allah. Donc on est encore dans le chapitre je pense que oui, le chapitre 7. Au dernier cours, on a parlé des différentes preuves sur le fait que il n'est pas permis d'insulter les dirigeants. Maintenant, on va rentrer dans un autre point dans le chapitre 7. Et le point c'est man bata'a bit-ta'ni 'ala al-a'immat al-muslimin ou man bada'a bit-ta'ni 'ala a'immat al-muslimin. C'est-à-dire, c'est qui le premier qui a commencé avec l'insulte et l'attaque, la critique des dirigeants musulmans. C'était qui le premier qui a amené cette innovation et cet égarement dans la Ummah? Et comme vous pouvez vous douter, si vous connaissez un peu l'histoire islamique, vous savez que c'est Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, c'était un juif du Yémen qui s'était converti à l'islam, mais en réalité c'était par hypocrisie. Il s'est fait passer pour un musulman alors qu'en réalité il ne croyait pas en l'islam. Il en a profité pour essayer de créer de la fitna dans les différentes villes des pays musulmans à l'époque, et il a même été à la tête d'un groupe qui justement partait dans différentes villes pour répandre des mensonges à propos des dirigeants, et en particulier Uthman ibn Affan radiallahu anhu. C'est ce qui a causé par la suite son assassinat. Donc le cheikh il dit الطعن في الأمراء تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعة سبائية ابتدأها عبد الله بن سبأ لتفريق الأمة وإشعال الفتن بين أبنائها وكان نتاج بدعته هذه قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه. Donc, qu'est-ce que vous avez compris de cette introduction? C'est ça. Le fait qu'on critique les dirigeants, puis on parle contre eux, et qu'on utilise le prétexte de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal pour le faire, et pour critiquer les dirigeants, ça c'est une bid'a qui vient de Abdullah ibn Saba. C'est lui qui a commencé avec ça. Et il a utilisé ça pour diviser la Ummah, et pour allumer le feu de la fitna entre les différents entre les musulmans en fait, ou entre les fils des pays musulmans. Et le résultat donc de cette bid'a, c'est l'assassinat de du khalifa des musulmans, c'est-à-dire Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. قال ابن عساكر في تاريخ دمشق عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبائية وهم الغلاة من الرافضة أصله من أهل اليمن كان يهوديا أظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه انتهى كلامه. Donc Ibn Asakir, il mentionne dans son livre sur l'histoire de Damas, Tariq ou Dimashq, que Abdullah ibn Saba, c'est la personne à qui est attribuée la secte des Rafidah, parmi les extrémistes, parmi les Rafidah. Donc c'est lui qui est à l'origine de la secte des Shia, qu'on appelle les Rafidah. Et à la base, c'est un juif du Yémen qui s'est fait passer pour un musulman et qui a prétendu en apparence accepter l'islam, mais il s'est promené d'un pays à l'autre parmi les pays des musulmans pour les détourner de l'obéissance de leurs dirigeants et pour faire rentrer le mal parmi eux. Et donc il est rentré à Damas, hein, pour, à l'époque de Uthman ibn Affan, pour faire ça justement. Donc ça, c'est la fin de la citation. Donc il s'est promené dans beaucoup de pays musulmans. Et donc, comme on voit que à la base, c'est lui qui est à la tête de la secte des Rafidah, mais il faut pas oublier que les Rafidah, ils ont la même idée par rapport à la révolte contre les dirigeants que les Khawarij. Et en fait, la plupart des sectes qui existent dans la Ummah, elles ont toutes comme principe la bid'a des Khawarij. C'est pour ça que plusieurs d'entre les imams des Salaf ont dit Ahlul bid'a ou Ahlul ahwa, kulluhum Khawarij. Les gens de la passion sont tous Khawarij. Et les ulama, ils ont dit ittafaqu ala as-sayf. Kulluhum ittafaqu ala as-sayf. Ils se sont tous mis d'accord sur l'épée, c'est-à-dire le fait de prendre l'épée contre les dirigeants. Cheikh il dit ensuite قلت طاف ابن سبا البلاد لذلك فبدا بالحجاز ثم البصره ثم الكوفه ثم الشام فاخرجه اهلها منها فاتى مصر فزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع وهو أحق بالرجوع من عيسى عليه السلام فقبل ذلك منه ثم زعم أن علي أو أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تناول الأمر الأمة ثم بعد ذلك قال إن عثمان بن عفان قد جمع أموالا أخذها بغير حقها وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى علي ابن أبي طالب فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستميل الناس وادعوا إلى هذا الأمر. Donc on voit ici les paroles d'Abdullah ibn Saba, comment il a utilisé plusieurs techniques et plusieurs ruses pour faire sa da'wa et pour la propager. Donc il dit ici le cheikh que Ibn Saba, Abdullah ibn Saba, il a fait le tour des différents pays musulmans. Il a commencé par Al-Hijaz. Al-Hijaz, c'est quoi? C'est Mecca ou Al-Madina. Al-Hijaz, c'est Mecca ou Al-Madina. Ensuite, il est parti à la ville de Basra, en Irak. Puis Al-Kufa. Ces deux villes de l'Irak qui sont proches l'une de l'autre. Hein? Al-Basra ou Al-Kufa. Ensuite, il est parti de là-bas jusqu'en Syrie, Al-Sham. Et les gens de ces différentes villes l'ont tout expulsé, jusqu'à ce qu'il arrive en Égypte. Et une fois en Égypte, il a commencé à propager des idées en disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas mort, qu'il allait revenir encore, et qu'il méritait plus de revenir que Isa alayhi salam. Alors les gens ont commencé à répéter ces croyances-là et à dire ces choses-là. Par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens, quand ils entendent ça, quelqu'un qui arrive avec un discours émotif et qui leur raconte, qui leur dit, hein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va revenir, il n'est pas mort. Les gens sont émotifs et ils n'ont pas de science, alors ils acceptent et ils croient. Et après, ils ont accepté ça de lui. Ensuite, il leur a dit que Ali radiallahu anhu, c'était le régent du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le régent, c'est-à-dire le surintendant, celui qui prend sa place après lui, en son absence. Et ensuite, après ça, il a dit aux gens, qui est plus injuste que celui qui n'a pas accepté et appliqué le testament du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, et qui a pris la place de son surintendant, hein, celui qui était là pour le remplacer, et qui a pris par la suite le pouvoir sur la Ummah. Après avoir dit ça, il a dit, Uthman ibn Affan radiallahu anhu a rassemblé des biens qu'il a pris injustement. Et le surintendant du messager, sallallahu alayhi wa sallam, en indiquant ou en voulant dire Ali ibn Abi Talib, hein, c'est lui qui, disons, qui méritait le pouvoir. Alors, partez, propagez ces idées-là parmi les gens et faites bouger les gens, hein, agitez les gens et commencez à critiquer et à attaquer vos dirigeants et faites paraître l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal pour que les gens penchent vers vous, hein, et soient, disons, en accord avec vous et appelez-les à cela. Donc il raconte ici l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec les gens de l'Égypte et comment ça s'est fini avec l'histoire entre Osman et Ammar. On reviendra là-dessus plus tard, inshallah. Al-Fasl al-Thamin fi uqubati al-muthabbit an wali al-amr wal-muthir alayhi. Al-tathbit an wali al-amr lahu suwar adida. وبعضها أشد من بعض وكذا إثارة الرعية عليه. Donc le chapitre numéro 8, c'est au sujet du châtiment qui est réservé à la personne qui décourage les gens d'obéir aux dirigeants et qui incite les gens contre le dirigeant. Et donc il dit que la personne qui décourage les gens d'obéir aux dirigeants, il dit ça peut se faire de différentes façons. Et certaines choses qui sont faites de cette catégorie-là sont plus graves que d'autres, de même que les gens qui incitent la population contre les dirigeants, il y a différentes façons dont ça peut être fait, et certaines façons sont plus graves que d'autres. Il dit « فَإِذَا دَعَ رَجُلٌ إِلَى التَّثْبِيطِ » أو الإثارة فإن لولي الأمر إيقاع العقوبة المتلائمة مع جرمه من ضرب أو حبس أو نفي أو غير ذلك لأن التثبيط والإثارة من أعظم مقدمات الخروج، والخروج من أشنع الجرائم وأشبعها، فكان ما يفضي إليه كذلك. Donc le cheikh il dit que si un homme décourage les gens d'obéir aux dirigeants, ou il essaie d'inciter les gens à se révolter contre lui, dans ce cas-là, le dirigeant il doit établir comme châtiment sur cet individu un châtiment qui correspond à la gravité de son crime. Soit le frapper, hein, soit le faire frapper, ou soit le faire enfermer, ou soit l'expulser du pays, ou autre. Et il dit, parce que le fait de décourager les gens d'obéir aux dirigeants, ou d'encourager les gens à se révolter contre le dirigeant, c'est les choses qui sont des précurseurs des révoltes et des révolutions. Et ça fait partie des crimes les plus graves. Et la raison de ça, c'est par rapport à qu'est-ce que ça amène comme conséquence. Il dit, وقال الشوكاني رحمه الله في شرح قول صاحب الأزهار ويؤدب من يثبط عنه أو ينفع ومن عاداه فبقلبه مخطئ وبلسانه فاسق وبيده محارب. قال وأما قوله يؤدب من يثبط عنه فالواجب دفعه عن هذا التثبيط فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتنهتك أو وتهتك عندها الحرم وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. Donc le cheikh il dit que l'imam al-Shawkani, donc il dit dans son livre qui est le charh de Sahib al-Azhar, c'est un livre qui s'appelle As-Sayl al-Jarrar, dans ce charh d'un livre de fiqh, et dans le livre, la personne qui a écrit le livre d'origine que le cheikh al-Shawkani explique, il dit dans le livre que la personne qui décourage les gens d'obéir aux dirigeants, il doit être puni. Et il dit, ou bien il doit être expulsé. Et celui qui déteste le dirigeant par son cœur, il est dans l'erreur. Celui qui l'exprime par sa langue, c'est un pervers et un pécheur. Et celui qui l'exprime par sa main, c'est un muharib. C'est-à-dire, il a déclaré la guerre contre le dirigeant. Il dit, وقال, وأما قوله, il dit en ce qui, là il explique, il dit en ce qui concerne sa parole lorsqu'il dit que cette personne doit être punie, celui qui décourage les gens d'obéir aux dirigeants doit être puni, il dit l'obligation c'est de l'empêcher de décourager les gens. Et il dit si il cesse, hein, c'est correct, sinon, eh bien il mérite une peine très sévère. Et on doit l'empêcher de rentrer en contact avec les personnes vers qui il essaie d'aller pour les décourager. Donc il doit être emprisonné ou quelque chose de ce genre, ou autre. Parce qu'il a fait un grand crime, quelque chose de gravement interdit. Et il dit, il s'est précipité pour propager et pour répandre du désordre et de la fitna. Et la conclusion de cet acte-là qu'il fait, eh bien, ça va avoir comme conséquence que le sang va couler. Et le sang des gens innocents va couler. Et à cause de ça, beaucoup de choses interdites vont être vont être pratiquées ou appliquées par les gens. Et donc la personne qui essaie de décourager les gens d'obéir à leurs dirigeants de cette façon, c'est comme s'il retirait d'une certaine façon sa main de son l'obéissance de son dirigeant. Il dit وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزع يدا من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت موتة جاهلية. انتهى كلامه. Donc le Cheikh Shawkani, il dit ensuite, et il a été rapporté de façon authentique de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, qu'il a dit, celui qui retire sa main de l'obéissance du dirigeant, puis qu'il vient au jour de la résurrection, il n'aura aucun argument en sa faveur. Et celui qui meurt, alors qu'il s'était séparé de la jama'a, s'est séparé du corps des musulmans qui sont réunis autour d'un dirigeant, et qu'il meurt dans cet état-là, eh bien sa mort sera comme une mort de la jahiliya. Et il dit, وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام, il dit, من تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا ومن خالف أميرا وقد كرر دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام. انتهى كلامه. Donc Ibn Farhoun, il dit dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Tabsiratul Hukam, que celui qui parle et qui dit une parole contre un dirigeant parmi les dirigeants des musulmans, eh bien il doit être puni d'une punition sévère. Et il doit être emprisonné un mois. Celui qui contredit un dirigeant ou un amir et qui répète cette invitation, cet appel à cette contradiction du dirigeant, eh bien il mérite également une punition sévère selon le jugement du dirigeant, c'est-à-dire selon qu'est-ce que le dirigeant va juger à son sujet, c'est-à-dire contredit l'ordre du dirigeant, un ordre quelconque que le dirigeant a ordonné de faire. Non, ça c'est déjà clarifié, ce point-là. On en a parlé déjà, que l'obéissance du dirigeant, c'est obligatoire uniquement lorsque c'est pas un péché. Mais si le dirigeant ordonne de faire un péché, c'est interdit de lui obéir dans le péché. Donc, dans le reste, tu dois lui obéir, mais dans le péché, tu ne dois pas lui obéir. Parce que la plupart des dirigeants ou des juges à l'époque de l'imam Ibn Taymiyyah, beaucoup d'entre eux étaient sur la voie des Asha'ira. Et lui, il défendait la aqida des salafs. Et ça les dérangeait, donc il l'enfermait à cause de ça. Ou parce que parfois, ils n'étaient pas d'accord avec une fatwa qu'il avait faite. Et il prétendait que Ibn Taymiyyah avait contredit un ijma ou quelque chose de ce genre. Donc il l'enfermait pour ça. Donc ça n'a rien à voir avec, qu'est-ce qui est mentionné ici. Mais c'est sûr que pour les gens, si les dirigeants qui sont au pouvoir, eux, ils ont une voie où ils suivent une secte ou une bid'a, et qu'ils donnent des problèmes aux gens de la sunna, oui, ils vont appliquer, ils vont mettre en prison les gens qui contredisent la bid'a qu'ils font, comme ils ont fait à l'imam Ahmad ibn Hanbal, quand l'imam Ahmad était en train de, par exemple, de réfuter les Mu'tazila et d'affirmer les attributs d'Allah. Eux, ils n'aimaient pas ça, les Mu'tazila, ils n'aimaient pas ça, donc ils l'ont arrêté, ils l'ont enfermé, ils l'ont torturé, et ils ont fait ça à beaucoup de ulama. Non, mais on parle, nous, de contredire les dirigeants dans le sens que si, par exemple, ils ordonnent de quelque chose qui est en accord avec l'islam ou qui n'est pas interdit par l'islam, puis que la personne, elle contredit, elle appelle les musulmans à contredire le dirigeant, c'est ça qui cause de la fitna. Mais si le dirigeant est en train d'appeler à une bid'a ou appeler à quelque chose qui est haram, et que toi tu contredis l'ordre du dirigeant, dans ce cas-là, tu contredis pas l'islam. Tu comprends? C'est pas la même chose. Tu comprends? Si le dirigeant il te dit mange du porc ou bois de l'alcool, puis que toi tu refuses, puis qu'il te met en prison pour ça, dans ce cas-là, tu n'as pas contredit l'islam. Mais lui, il te met en prison, c'est une injustice. Mais ça, ça fait partie des choses qui demandent de notre part d'être patient et d'être endurant face à l'injustice du dirigeant. C'est ça qu'on veut dire depuis les cours passés, quand on a donné des exemples de l'injustice, de faire preuve d'endurance face à l'injustice des dirigeants et de ne pas appeler à la révolte malgré qu'il fait de l'injustice. Tu vois, c'est ça l'explication. Quand l'injustice, elle te touche à toi, personnellement. Donc, ça c'est une injustice qui est limitée à une personne. Donc c'est moins grave. Si c'est une injustice dans le sens que tu vois qui est faite à ta personne, à cause de cette injustice-là, tu appelles tout le monde à se révolter, eh bien là, le dirigeant, lui, il veut arrêter la fitna, donc il va faire goûter à tout le monde l'injustice. Donc, au lieu que ce soit une injustice limitée à une seule personne, maintenant ça devient généralisé. Et donc, tout ça c'est à cause du manque de patience et de la transgression des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Wa qad dhakara ibn al-Azraq بعض المخالفات التي من الرعية في حق السلطان فقال donc ça va répondre à ta question en même temps. Il dit que Ibn al-Azraq, il a mentionné certaines contradictions qui sont faites de la part des individus contre le droit des dirigeants. Donc là tu vas avoir des exemples. المخالفة الثانية فقال المخالفة الثانية الطعن عليه وذلك لأمرين أحدهما أنه خلاف ما يجب له من التجلة والتعظيم فقد قيل من إجلال الله إجلال السلطان عادلا كان أو فاجرا أو جائرا عفوا عادلا كان أو جائرا ومن كلام الصاحب ابن عباد تهيب السلطان فرض أكيد وحتم على من ألقى السمع وهو شهيد الثاني أن الاشتغال به سبب تسليط السلطان جزاء على المخالفة بذلك ففي بعض الكتب أن الله تعالى يقول إنني أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه نعمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. Donc il dit la deuxième exemple de contradiction, c'est le fait de les critiquer et de les insulter, et ça c'est pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est contraire à ce qui a été ordonné du fait de montrer du respect et d'honorer les dirigeants. Parce que celui qui honore, il dit que d'honorer, parmi les choses qui font partie respecter Allah, il y a le fait de respecter le dirigeant. Et ça c'est que ce dirigeant-là soit juste ou injuste. Et donc, il dit également parmi les paroles de Ibn Abbad, il a dit de respecter et de montrer du respect envers le dirigeant, c'est une obligation certaine pour celui qui prête l'oreille et qui est témoin. Et il dit, deuxièmement, la deuxième raison, c'est que si tu t'occupe à insulter le dirigeant et à le critiquer, eh bien ça va faire en sorte que le dirigeant va il va utiliser la force contre les gens. Et ça va être le résultat et la rétribution de ta contradiction, parce que tu l'as insulté. Et il a été écrit dans un des livres, dans certains livres, que Allah a dit: je suis Allah, le roi des rois. Les cœurs de tous les rois sont dans ma main. Celui d'entre vous qui m'obéit, je ferai que ces rois soient une grâce pour lui. Mais celui d'entre vous qui me désobéit, je ferai que ces rois soient une punition pour lui. Alors ne vous préoccupez pas d'insulter les rois, mais plutôt repentez-vous à moi et je vais les rendre doux pour vous. Hein? Donc ça c'est une parole qu'on avait citée déjà, qui était mentionnée par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa. Et après il dit al-mukhalafatu thalitha. Oui, exactement, ça fait partie des israéliates, mais c'est une signification qui est vraie. Hein? Oui, c'est ça. C'est comme pour confirmer quelque chose qui est déjà établi par la charia. Naam. Al-mukhalafatu thalitha, al-iftiyatu alayhi fi at-ta'arrud li kulli man huwa manut bis-sultan. لكل ما هو منوط به ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان لما في السمح به والتجاوز به إلى التغيير عليه. وقد سبق أن من السياسة تعجيل الأخذ على يد من يتشوق لذلك وتظهر منه مبادئ الاستظهار به وإن كان لا ينجح له سعي ولا يتم له غرض. انتهى كلامه. Il dit la troisième exemple de mukhalafa, c'est al-iftiyat ala al-amir. Al-iftiyat ala al-amir. Oui, l'iftiyat ala l'amir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais quelque chose que le dirigeant ne t'a pas ordonné de faire et qui ne fait pas partie de tes responsabilités. C'est les responsabilités du dirigeant. Toi, tu essaies de dépasser ta position ou tu fais des choses que ça fait pas partie de ton recours. Et donc ça fait partie des choses interdites. OK. Fa il dit al-iftiyat alayhi fi at-ta'arrud li kulli ma huwa manut bihi. Donc par exemple, d'appliquer les peines, d'essayer de faire appliquer une peine de l'islam sans la permission du dirigeant. Tu n'as pas le droit de faire ça, parce que c'est des choses qui font partie des responsabilités du dirigeant seulement. Donc si tu essaies de l'appliquer, tu vas faire un plus grand désordre que le mal que tu essaies d'interdire, en essayant d'arrêter un mal qui ne convient à personne d'interdire excepté le dirigeant. C'est-à-dire c'est quelque chose que c'est seulement le dirigeant qui peut l'arrêter, ce mal-là, parce qu'il a l'autorité, il a la force. Et toi, tu te permets de te mettre dans cette position-là pour essayer de l'interdire. Donc, tu te mets dans une situation de problème. Et tu vas créer un plus grand mal que le mal que tu veux interdire. Et il dit وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مِنَ السِّيَاسَةَ تَعْجِلُ الْأَخْذِ عَلَى يَدِ مَنْ يَتَشَوَّقُ لِذَلِكَ. Donc, parmi les exemples de la bonne politique, d'un dirigeant, le fait qu'il sait bien comment gérer les situations, c'est qu'il se précipite à arrêter ce genre de personnes qui aiment faire ce genre de choses-là. Et qu'on voit apparaître chez lui les débuts, hein, les points qui montrent que c'est une personne qui veut sortir avec ces choses, ces idées-là et ces pratiques-là. وَإِنْ كَانَ لَا يَنْجَحُ لَهُ سَعْيٌ. Même s'il n'a pas encore fait. Mais tu vois que il, par sa parole, par sa façon d'être, par sa façon d'agir, il laisse montrer des signes qui indiquent que c'est ce genre de personne qu'il aime faire ça. Donc le dirigeant qui gère bien les situations, il doit arrêter ce genre de personne-là avant même qu'il passe aux actes. Il dit « وَبِهَذَا يُعْلَمْ أَنَّ إِثَارَةَ الرَّعِيَّ عَلَى الْوُلَاتِ وَتَأْلِيبَ الْعَامَ عَلَيْهِمْ دَاءٌ عُضَالٍ تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إِلَى كَيِّهِ وَوَرَمٌ خَبِيثٌ يَتَعِيَّنُ إِسْتِئْصَالُهُ لأن لا يستحفل فيخرج خبثه فتستحقم البلية وتعظم الرزية ولا ينفع الندم عندئذ. Donc le cheikh il dit donc on sait donc maintenant à partir de qu'est-ce qu'on a expliqué que d'inciter la population contre le dirigeant et d'appeler la population à se révolter contre eux, ça c'est un grand mal. C'est obligatoire de se précipiter à arrêter ça, avec, comme il a donné l'exemple pour Kayihi. Parce que un des remèdes que les médecins ou les gens utilisaient à l'époque, c'était le fer chaud. Il brûlait à certains endroits. Eh bien, c'est comme s'il dit ici, il faut se précipiter à brûler avec le fer, hein, ces problèmes-là, pour pas que ça se propage, pour pas que son mal devienne répandu et que sa saleté commence à se disperser, puis que ça devienne quelque chose qui est généralisé par la suite, et il sera trop tard pour avoir des remords. Donc il faut agir rapidement. Donc le cheikh il dit فإن المثير والمثبت كفأرة السد إن تركت أغرقت العباد والبلاد وأشاعت في الأرض فسادا فيتعين على الناس عموما وعلى التكاتف لدفع المثير الساعي إلى الفتنة وعزله كما تعزل الجرباء ونفيه من المجتمع كل حسب جهده وطاقته وهكذا من أفضل الأعمال وأجل القرب إلى الله تعالى إذ به يندفع شر عظيم وتطفأ فتنة عمياء نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Il dit ici la personne qui incite les gens contre le dirigeant ou qui essaie de les décourager de suivre le dirigeant ou d'obéir au dirigeant, il dit كفأرة السد, la souris du barrage. Si on le laisse, Il va noyer tout le monde. Il va répandre du désordre sur la terre. Donc, celui qui appelle à se révolter contre le dirigeant, c'est comme ça, c'est comme cette souris qui ronge le barrage. C'est ça. Si on le laisse, cette souris, on dit, ah, ça, c'est pas grave. Elle est petite, elle ronge, on voit pas le mal. Et finalement, après, elle noie tout le monde et le village est complètement sous l'eau. Donc, il dit que c'est obligatoire pour les gens, de façon générale, de s'entraider tous pour repousser la personne qui incite à la fitna. Et il faut le faire, il faut le chasser, cette personne. Il faut le chasser. Oui, c'est ça. Il faut le chasser, cette personne, de la même manière que la personne qui a la lèpre. Hein? la personne qui est lépreux, il faut les chasser de la même manière. Il faut les chasser de la société, ceux qui appellent à la fitna et à se révolter contre le dirigeant, de la même manière qu'on chasse la personne qui a la lèpre. Chacun selon sa capacité et son effort. Et il dit que de faire ça, c'est parmi les meilleures actions. Et c'est par les choses, les meilleures choses, c'est parmi les meilleures choses qu'on, par lesquelles on peut se rapprocher d'Allah. Parce que en repoussant ce genre d'individu, on repousse un grand mal et on éteint une fitna aveugle. Et il dit, on cherche le refuge en Allah contre les différentes fitnes, celles qui sont apparentes et celles qui sont cachées. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Ok, donc on est arrivé au chapitre 9, ok, et le chapitre 9 c'est le dernier, non c'est l'avant-dernier chapitre, après il y a le chapitre 10, 9 et 10, il nous reste 9 et 10, puis après c'est fini, donc...